pirate libre. Bonjour et bienvenue tout le monde à cette 437e émission de Sky Punka, la seule et unique émission à faire jouer à la fois du ska, du oi, du punk, du psychobilly, du rockabilly, du hardcore ainsi que du bon vieux reggae. Tout ça en même temps pendant un gros condensé de 2 heures. C'est Sky Punka. Et je suis fier de vous dire bonne journée. Va! Alors, c'était Jeunesse Apatride avec la pièce Montréal Béton, issue de leur album Black Block and Roll. Maintenant, nous allons commencer aujourd'hui avec un bloc constitué de 3 groupes qui seront présents à Trois-Rivières, pas tous à les mêmes dates, mais il y a The Prowlers ainsi que Buddha Bulldozer qui viendront faire leur tour à Trois-Rivières dans le bout du mois de novembre au Rock Café Le Stage. Donc, pour The Prowlers, on va entendre la pièce Friday Night, pièce qui est extraite du mini-album Chaos in the City. Ensuite, nous aurons Buddha Bulldozer de Québec. Ah oui, l'autre fois, en écoutant une de mes rediffusions d'émissions, je me suis rendu compte que j'avais dit que Buddha Bulldozer venait de Montréal. Ben non, il vient de Québec. Et pour Buddha, nous allons entendre la pièce Irish Pub. Et après ça, nous aurons un autre groupe de Québec qui seront bientôt, eux autres aussi, à Trois-Rivières. Donnell Heads, avec la pièce Punk Rock Youth, extrait de leur album qui s'appelle People Killing People. Donc, sur ce, on y va sans plus tarder avec The Prowlers et la pièce Friday Night. Tout ça à Sky Punka sur les ondes de C'est Fou, le Radio Campus de Trois-Rivières. We'll be right back.

Yeah! Alors, c'était le groupe de Nailahead de Québec avec la pièce Punk Rock Youth. Juste avant ça, qu'est-ce qu'on avait eu tout d'abord? Eh bien, on avait eu The Prowlers avec Buddha Bulldozer. Et puis pour Prowlers, on avait entendu la pièce Friday Night. Tandis que pour le groupe Buddha Bulldozer, eh bien, on avait entendu la pièce Irish Pub. Maintenant, on va aller faire un tour en vinyle avec un bloc de 4 pièces. On va commencer ça tout d'abord avec US Bomb et la pièce d'introduction de l'album Back at l'Andromat, c'est-à-dire la pièce Tora Tora qui s'enchaîne avec Die Alone. Ensuite, eh bien, nous aurons The Blood Clot avec la pièce Boots and Blisters. Et finalement, nous aurons Glass Heroes avec la pièce Get Out Alive. Alors, préparez-vous pour un bon petit bloc vinyle. Tout ça uniquement Sky Punka sur les ondes de C'est Fou. La seule et unique émission à vous faire jouer du punk en mode ici. Attention, c'est parti! We'll be right back. Et en plus d'écouter C'est fou, eh bien, vous écoutez l'émission punk Sky Punka, qui en est à sa 10e année. Et aujourd'hui, si jamais vous venez tout juste de syntoniser le 89,1, eh bien, j'en suis rendu à ma 437e émission. Bon. Et là, on débute notre second 30 minutes. Mais bon, l'émission dure quand même 2 heures. Alors, qu'est-ce qu'on a eu avant le bloc de publicité? Eh bien, on avait eu US Bomb avec deux pièces extraites de l'album Back at the Laundromat. Plutôt Back at Laundromat, plutôt. Et c'était les chansons Torah, Torah, Torah. Ensuite, on a eu Die Alone. Après ça, on avait eu The Blood Clots avec la pièce Boots and Blisters. Pièce que vous pouvez retrouver sur leur mini-album 7 pouces qui contient 6 pièces. Et puis, qui s'appelle, attendez une minute que je le retrouve, ok, qui s'appelle Chaos Days Almost Here. Et ça a été fait en 1995. Et puis après ça, eh bien, on avait eu Glass Hero avec la pièce Get Out Alive qui est extrait de l'album, ou plutôt du EP de deux pièces qui s'appelle Get Out Alive and Kick Down the Door. Bon, paru l'année passée sur l'étiquette TKO Record. Bon, maintenant, on enchaîne sans plus tarder avec les Ordures Ioniques et la chanson, ou plutôt, et leur version de la pièce Progéniture d'Ordures. Ensuite, on va retourner dans le temps avec un bon vieux groupe Oi de Montréal, c'est-à-dire Impact et la pièce Toujours Debout. Pièce en fait là, qui critiquait les skinheads racistes parce que Impact eux autres faisaient partie du mouvement Sharp. Et qui dit Sharp dit, eh bien, on combat le racisme. Donc c'est pour ça que la chanson Toujours Debout est une chanson qui parle justement du mouvement Sharp qui a dû s'imposer au cours des années 90, bien sûr, contre les skins nazis, parce que malheureusement, il y en avait dans les années 90. Maintenant, elles sont quasiment disparues, puis c'est tant mieux comme ça. Donc, ça veut dire que le mouvement Sharp et le mouvement Rash ont fait un bon ménage. Après ça, bien, nous aurons The Oppress avec la pièce Skinhead Girl. Ah oui, j'avais oublié de vous le dire. Pour Impact et The Oppress, bon, OK, j'avoue que Impact vient de Montréal et que The Oppress vient de la Grande-Bretagne. Eh bien, les deux pièces qui vont jouer sont extraites d'un même vinyle, qui était un split entre Impact et The Oppress, qui est paru en 1997. Et puis après ça, eh bien, nous aurons The Planet Smashers avec la première version de la pièce des Hilly Boss, qui elle est parue en 1996 sur le EP des Hilly Boss, qui contient trois pièces, dont en plus une pièce instrumentale sur les beans, afin que ça s'appelle tout simplement Bean. Mais bon, toujours est-il que là, on y va en musique avec les Ordures Ioniques et la pièce Progéniture d'Ordures qui avait été composée au départ par les bons Ariens. Donc allons-y, sans plus tarder, avec toute cette bonne programmation musicale. We'll

Toujours à l'écoute de Sky Punka sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Et au cours de ce bloc, qui vient tout juste de se terminer, on a entendu les pièces suivantes. Tout d'abord, les ordures ioniques avec leur version de la pièce Progéniture d'ordure, qui avait été composée dans les années 90 par les bons Ariens. Et toujours est-il, pour les ordures ioniques font un retour cette année. Alors, les ordures ioniques seront en spectacle le 7 juillet à Montréal, au petit campus. Et puis, il y a 300 places. Donc, comme qui est écrit sur leur Facebook, ils sont rendus qu'ils ont un Facebook à Star. Les 300 premières personnes qui vont rentrer seront chanceuses. Ensuite, eh bien, on avait eu Impact avec la pièce Toujours Debout, extrait de leur double split 7 pouces qu'ils ont fait en 1997 avec The Oppress. Et c'était pour ça qu'on avait eu The Oppress par la suite avec leur version de la pièce Skinhead Girl qui avait été composée dans les années 60 par le groupe reggae Sima Rip. Et puis ça, vous pouvez retrouver ça sur l'étiquette DSS Record. Bon. Et finalement, on avait eu la première version de la pièce des 80 Boss de la formation ska montréalaise de Planet Smashers. Et d'ailleurs aussi, vous pouvez retrouver sur ce 7 pouces la première version aussi de la pièce Uncle Gordy qui était également parue sur l'album Attack of the Planet Smashers. Même chose aussi pour The 80 Boss. Maintenant, on continue en ska avec The Afterbeat qui nous vient de l'Ouest canadien avec la pièce Rude Boy. Pièce qui vient clore leur plus récent album, qui est un album éponyme. Ensuite, nous aurons la formation allemande Oxo 86. Et puis là, désolé si je prononce sûrement mal le titre, mais ça ressemble à ça. Sobelib et Sobeschiden. Bon. Et puis après ça, eh bien, nous aurons Los Tres Puntos avec la chanson Mi Deserto. Donc, allons-y sans plus tarder avec The Afterbeat et la pièce Rude Boy. Tout ça à Sky Punka sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Won't play their body. Yeah, alors tout juste avant le bloc de publicité, on a vu Los Tres Puntos avec Milizerto, extrait de leur album qui s'appelle 10 ans ferme. Et son recul de deux pièces, on a vu tout d'abord de l'Ouest canadien The Afterbeat avec Rude Boy, et ensuite on a vu le groupe allemand Oxo 86 avec Soubelief, Souf et Soubescheiden. Ouais, ça ressemble à ça, ok. Riez pas de mon allemand, je sais, il est vraiment affreux. J'ai jamais eu de cours d'allemand. Un jour, ça fait juste 10 ans que je dis ça. Bon, et là, on va enchaîner en musique avec tout d'abord Broadcast Zero et la pièce Battle On. Big D and the Kid Table avec Rotten, extrait de leur plus récent album, sorti au cours de l'année passée. En tout cas, Big D and the Kid Table, là, ils ont sorti un très bon album au début de leur carrière, puis leur plus récent, c'est vraiment, on dirait, la meilleure chose qu'on fait jusqu'à maintenant, qui s'appelle For the Damned, The Dub and the Delirious. Je sais que je l'ai beaucoup exploité l'année passée, mais c'est vraiment un très bon album, à la fois ska traditionnel, ska punk, reggae, avec des textes très recherchés. Bref, en tout cas, ils sont forcés pour leur plus récent album, Big D. Après ça, eh bien, nous aurons Brigada Flores Magón avec la pièce Mauvais Garçon, excellente chanson, extrait de leur premier album, qui était un album éponyme. Et puis après ça, nous aurons Charge 69 avec la pièce Fin de siècle. Et oui, ça a été composé avant l'an 2000. Et puis ça disait que, justement, on n'était pas arrivé dans une ère de merde. Et nous sommes vraiment dans une ère de merde. Et oui, avec ce qui se passe de ces jours-ci au Québec, on peut dire que nous sommes dans une ère de merde. Alors, c'est pour cela qu'on y va en musique avec Broadcast Zero. Mais juste avant ça, je viens d'y penser. En début d'émission, je vous avais fait écouter The Nailhead de Québec. Et puis, je vous avais dit qu'ils seront bientôt en spectacle à Trois-Rivières. Eh bien, ça sera le 30 juin au Rock Café Le Stage. Et puis, il va y avoir d'autres groupes aussi. Il va y avoir Fallace Fury, The Royal Red Brigade. J'aime vraiment le nom, hein, tu sais, la Brigade Rouge Royale. Ouais. Il n'y a sûrement pas de lien à faire avec Stephen Harper. Ben non, hein. Qui est allé mettre le mot royal un petit peu partout, là. Ouais. Il va y avoir aussi Hardlock, Battleground, ainsi que BITL. Sur ce, allons-y maintenant avec la programmation que je vous ai annoncée. Et ça commence avec Broadcast Zero et la pièce Battle On. Hey Johnny, I see you running. It's exactly where I don't know. What you gonna do when you get there? If it's just this fucking cold. Freedom that you sought was just a dream. Concocted like all the gods you tried to defeat. What then, Johnny? Will you turn around and make your way back? Deals become opinions, and they're calling you a fool. And the cries that used to join you have all moved along. But you're not going anywhere, you're sticking to your guns. Battle on, won't you, Johnny? Battle on, won't you, boy? Battle on, won't you, Johnny? Difference, what you could and what you should. For freedom and for justice, whatever those words mean. You're not going anywhere, no matter how bleak it seems. when you find it. And we'll sell it on you there. bois ensanglantés. Combien de filles ont vendu leur corps pour une danse trop mal coupée. Dans les veines de ce capital coule le sang noir de la détresse. Combien d'appels jamais entendus criaient tout fait de ruelles perdues. Capote l'ère néolibérale. Ça serait-tu le fun qu'aux prochaines élections, on se retrouve avec un gouvernement de gauche, hein? Mais sans que ça ferait ce changement du gouvernement corrompu de Jean Charest. Bon, alors toujours est-il que, avant ce qui vient de jouer, on a eu tout d'abord Broadcast Zero avec Battle On, Big Din de Kid Table avec Rotten, Brigada Flores Magon avec Mauvais Garçon et finalement on avait eu Charge 69 avec Fin de siècle. Maintenant on va continuer avec un bloc folk punk avec tout d'abord le groupe allemand The Porters et la pièce Homeward Bound, extrait de leur plus récent album qui s'appelle Rum, Bum and Violena. Et c'est vraiment un très bon album folk punk, soit dit en passant. Et ensuite, nous aurons The Real Mackenzies avec la pièce My Head is Filled with Music, comme vous pouvez entendre sur leur plus récent album, paru cette année sur Stomp Records et qui s'appelle West Winds. Et finalement, nous aurons un bon vieux classique, Dropkick Murphys avec Boys on the Docks. La version, bien sûr, qui sont tournées dans le Murphy's Pub. Et ça, vous pouvez retrouver ça sur l'album Do or Die, sorti en 97 sur Hellcat Records. Alors allons-y sans plus tarder avec The Porters et la pièce Homeward Bound. Tout ça uniquement à Skypunka sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Far away from home, boys, the sea is not as blue, the grass is not as green, and I'm so far from you. Bring me back home, boys, to my hometown. Get me the hell out of here, I'm homeward bound. Your girl's all so pretty, but I've got the sweetest girl in town. Legs as long as the pillars of those temples built in Rome. Bring me back home, boys, where I belong. Get me the hell out of here, I'm homeward bound. Far away from home, boys, the sea is not as blue, the grass is not as green, and I'm so far from you. So pretty, but I've got the sweetest girl in town. Legs as long as the pillars of those temples built in Rome. Bring me back home, boys, where I belong. Get me the hell out of here, I'm homeward bound. I've gotta go home, where I belong. I am home, homeward bound. I'm coming home to where I was born. Yes, I am. That I could turn my time for to see my growing sun. I should not be here, I should be home. Get me the hell out of here, I'm on my bound. I've gotta go home, where I belong. I am home, homeward bound. I'm coming home to where I was born. Yes, I am home. Michigan Steve in 1944. Back and forth I packed away. Many soldiers fell that day, battle raging all around, and the Allies held their ground. Lord Lovett, my commander, who himself had stormed the beach in the greatest sea invasion in all of history. United we stand, divided we fall. Together we are what we can't be alone. We came to this country, you made it our own. Say hey Johnny for the battle call. United we stand, divided we fall. Together we are what we can't be alone. We came to this country, you made it our own. And the boys on the docks needed John for sure. When they came to this country, he opened the door. He said, man, I'll tell ya, they don't like our kind. No, it starts with your fist, it must end with your mind. Say hey, Johnny, boy, the battle call. United we stand, divided we fall. Together we are what we can be alone. We came to this country, you made it alone. Alors, vous Vous écoutez toujours Sky Punka sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Et avant le bloc de publicité, on a entendu The Porters avec Homeward Bound, The Real Mackenzies avec My Head is Filled with Music, ainsi que Dropkick Murphys avec Boys on the Docks, Murphy's Pop Version. Maintenant, nous allons continuer en rockabilly, en psychobilly avec les formations suivantes. Tout d'abord, Bloodshot Bill avec la pièce Doing to Me. Bloodshot Bill qui sera en spectacle au Rock Café Le Stage à Trois-Rivières le 28 juin en compagnie de... En tout cas, si je me fous aux informations que j'ai, ce sera en compagnie de Dr. V. Bon. Et puis, eh bien, après ça, nous aurons The Reverend Peyton Big Damn Ben avec la chanson I Love You Baby, extrait de l'album qui s'appelle The Whole Damn Family, sorti en 2009, c'est bien ça, sur Side One Demi. Et puis après ça, eh bien, on va aller faire un tour dans les années 70 en France avec La Souris Déglinguée et la pièce Jeune Seigneur. Pièce qui venait clore leur album éponyme, qui est vraiment un classique du punk français, même si La Souris Déglinguée était quand même plus rock que punk. Et puis finalement, nous aurons la formation allemande Frantic Flintstone avec la pièce Please Give Me That Rock. Pièce qui vient clore leur album Freak Out and Psycho Out. Ok, c'est vrai. Il y a un petit speech à la fin en allemand qui s'appelle Tongue. Mais disons que la vraie, la dernière pièce, c'est la 12e. Celle que j'avais fait jouer. Bon. Alors allons-y sans plus tarder avec Bloodshot Bill et la pièce Doing to Me. Mais en attendant, on continue d'écouter ce qui joue en background, c'est-à-dire ce qui naît dans The MBTA de Dropkick Murphys. Never retire. cage de coups. À deux sur un parfait, on traite l'ennemi. On n'a pas besoin de l'être quand on est un jeune seigneur. Pas besoin de religion, plutôt païen que chrétien. Et c'était la formation allemande Frantic Flintstone avec la pièce Please Give Me That Rug. Comme je vous l'avais dit, extrait de l'album Freak It Out and Psycho Out. Assez quand même subjective comme chanson. Tout juste avant ça, eh bien, on avait eu Bloodshot Bill avec Doing To Me, The Reverend Pete and Big Damn Band avec I Love You Baby, et après ça, on avait eu La Souris Déglinguée avec Jeune Seigneur. Maintenant, il est rendu l'heure de se quitter, et aujourd'hui, on se laisse avec Ginny Woo et la pièce Sorry, extrait de son album Alberta Rose, sorti en 2011. Et puis, après ça, eh bien, nous aurons les Ramoneurs de Menhir avec leur version de la pièce La Blanche Hermine, qu'ils ont fait en compagnie de Gilles Servat. Gilles Servat, c'est-à-dire. Et puis, finalement, nous aurons Plant of Attack avec la pièce Path of Least Resistance, extrait de leur album qui s'appelle All or Nothing, sorti en 2009. Je suis le camarade B et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Sky Punka. Et d'ici là, vive le Carré Rouge, vive le rock libre et vive la résistance. Die saubere Sacken in deine Hosen und die Bottle ist voll wie Macken. Gib auf die Askerus für eine Schweinehirn und für vier Wochen lang geroren. In diesen Saft sollen die Reste Summen schmoren. Meine Herren, pack alle die saubere Sacken in deine Hosen. ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà de l'enchaînée, vive la mouette tirée. La voilà la blanche hermée, vive vous et les puissants. It's someone else's fault for the choices that you make.